À l'autre bout du grand café de bois, les quatre femmes faisaient leur entrée. Les deux costumés en hommes marchaient devant. L'une maigre, pareille à un garçonnet vieillot, avait des teintes jaunes sur les tempes. L'autre, en plissant de sa graisse, ses vêtements de flanelle blanche, bombant de sa croupe le large pantalon, se balançant comme une noix grasse, ayant les cuisses énormes et les genoux rentrés. Leurs deux amis les suivaient, et la foule des canotiers venait leur serrer les mains. Elles avaient loué toutes les quatre un petit chalet au bord de l'eau, et elles vivaient là, comme auraient vécu deux ménages. Leur vie, c'était public, officiel, patent. On en parlait comme une chose naturelle, qui les rendait presque sympathiques. Et l'on chuchotait tout bas des histoires étranges, des drames, nées de furieuses jalousies féminines, et des visites secrètes de femmes connues, d'actrices, à la petite maison du bord de l'eau. Un voisin, révolté de ces bruits scandaleux, avait prévenu la gendarmerie, et le brigadier, suivi d'un homme, était venu faire une enquête. Leur mission était délicate. On ne pouvait, en somme, rien reprocher à ces femmes qui ne se livraient point à la prostitution. Le brigadier, fort perplexe, ignorant même à peu près la nature des délits soupçonnés, avait interrogé à l'aventure et fait un rapport monumental concluant à l'innocence. On en avait ri jusqu'à Saint-Germain.